premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur le patrimoine, pendant laquelle nous aborderons, entre autres, les emprunts patrimoniaux, les restaurations patrimoniales et également le patrimoine urbain. Demain, nous nous interrogerons sur les emprunts du Japon à la Grèce antique. Mercredi, nous débattrons d'histoire de restauration. Jeudi, le documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury nous emmènera à Dunkerque à la recherche du patrimoine d'une ville touchée par la Seconde Guerre mondiale et à la manière dont on peut revivifier ce patrimoine industriel par l'art contemporain. Et aujourd'hui, en plein festival de Cannes et au lendemain de l'hommage qui a été rendu à un monument vivant du 7e art, comme on dit généralement dans la langue journalistique, Alain Delon, nous avons le plaisir de recevoir l'historienne Natacha Laurent, spécialiste du cinéma soviétique, qui a dirigé par ailleurs pendant 10 ans la Cinémathèque de Toulouse et qu'on pourra d'ailleurs retrouver à Toulouse en cette fin de semaine à l'occasion du grand festival d'histoire qui va s'y tenir, l'Histoire à venir. Natacha Laurent a monté avec d'autres historiennes et historiens du cinéma un groupe de recherche patrimonialisation du cinéma à l'école des Chartes qui donnera une sorte de rapport d'étape de ses travaux à la fin de cette année sous la forme d'un livre titré « Patrimoine et patrimonialisation du cinéma » aux éditions de l'École des Chartes. Pas de sélection. Les cinémathèques, au début, dans les années 30, cherché de plutôt Nosferatu que Feuillade. Elles avaient tort. Finalement, c'est Feuillade qui avait raison. Et cette leçon nous a, cette expérience nous a servi de leçon. Maintenant, nous prenons tout. Nous ne sommes forcés de trier que lorsqu'il y a des questions d'ordre financier et qu'il faut choisir, hélas, entre plusieurs copies. Il y a aussi des questions d'emplacement parce que au rythme où nous sommes partis, dans quelques siècles, la Terre sera occupée entièrement par des cimetières et des cinémathèques et des bibliothèques. Oui, elle sera prise par son propre souvenir. Bonjour Natacha Laurent. Bonjour. Qui vient-on d'entendre ? Raymond Borde, bien sûr. Alors Raymond Borde, il faut peut-être le présenter à nos auditeurs, car si l'on n'est pas toulousain, si l'on n'est pas spécialiste d'histoire du cinéma, on ne le connaît pas forcément. Alors Raymond Borde a été le fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, il l'a fondée en 1964, il lui-même était né en 1920, il est mort en 2004. C'est d'abord un critique de cinéma, un passionné de cinéma, un cinéphile, un vrai cinéphile, membre de l'un des plus importants ciné-clubs de Toulouse, puisque c'est l'occasion de rappeler que Toulouse est une ville cinéphile, très cinéphile jusqu'à aujourd'hui. Et donc il a été critique de cinéma, puisqu'il a beaucoup écrit dans les temps modernes, il a beaucoup écrit aussi dans Positif. Il était membre du Parti communiste français. Il était membre du Parti communiste. Il était, comme le dit joliment Christophe Gauthier, il était à la rencontre des trois grandes utopies du XXe siècle, le surréalisme, le communisme et le cinéma. Donc voilà ce personnage. Et qui donc a été aussi historien du cinéma. Il a publié aussi assez tôt des livres consacrés au néoréalisme, au film noir. Et puis, très actif dans le ciné-club de Toulouse, auquel il appartenait, il a commencé, tout en programmant ce ciné-club, à rassembler des supports, donc des copies, pour progressivement fonder cette cinémathèque de Toulouse. Alors, c'est pas forcément le lieu de raconter en détail cette histoire, mais qui est une histoire passionnante, puisqu'elle se passe à Toulouse, mais en relation, bien sûr, avec Henri Langlois et avec Paris, et en relation avec la FIAF, la Fédération Internationale des Archives du Film. Donc il la fonde véritablement, cette Cinémathèque de Toulouse, en 1964, et à partir de 1964, il y consacre sa vie, son énergie. Il a beaucoup moins de temps pour la critique et pour l'histoire, mais c'est une collection extraordinaire qui lui doit beaucoup. Alors vous êtes historienne du cinéma soviétique, vous avez publié il y a quelque temps L'œil du Kremlin, donc qui est un très intéressant livre sur la censure dans le cinéma soviétique. Et vous avez succédé à Raymond Borde en tant que directrice de la Cinémathèque de Toulouse. Oui, enfin, entre Raymond Borde et moi, il y a eu d'autres personnes, mais c'est vrai que j'ai en tous les cas eu la chance de diriger cette institution qu'il a fondée et que j'ai aussi dirigé cette institution en historienne. Je pense. Ça veut dire quoi, diriger en historienne une institution de conservation? J'y réfléchis beaucoup et c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé. Ça veut dire tout ça. Déjà, je pense que c'est une chose qui est très claire, c'est que j'ai dirigé cette institution en travaillant sur son histoire, en travaillant sur justement le projet du fondateur et en travaillant sur les collections. Pour moi, ce qui était fondamental, c'est que c'était d'abord, on n'est pas historien pour rien, on aime les archives, on aime les documents. C'était un retour aux sources et aux choix qui avaient été faits, aux forces aussi de cette collection, à l'identité de cette collection, puisque toute collection a une identité et elle est très très souvent marquée par son fondateur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en écarter, ça veut dire qu'il faut la faire vivre, la développer, mais en respectant aussi les choix initiaux. Alors vous avez dit effectivement qu'il y a eu des relations entre Henri Langlois et Raymond Borde au moment de la création d'une petite collection qui va évidemment devenir la Cinémathèque de Toulouse à partir de 1964, mais ça n'a pas été si simple que cela. Au départ, des relations amicales, se tutoyant, revenant au vouvoiement au tout début des années 60, et quand on revient au vouvoiement après être passé au tutoiement, c'est généralement qu'il y a un froid. Oui, alors c'est une histoire effectivement connue, on va dire, à l'intérieur de la grande famille des archivistes du cinéma. C'est vrai que au début, à la fin des années 50, la Cinémathèque de Toulouse n'existe pas, mais Borde a donc ce projet, non seulement de programmer des films anciens, mais de protéger, sauvegarder les films, et il le fait en relation directe avec Henri Langlois, puisque la Cinémathèque de Toulouse est à ce moment-là représentation de la Cinémathèque française en province, si j'ose dire, à Toulouse, et que pendant ces premières années, entre 58 et 64, donc pendant 6 ans, c'est un travail d'échange qui se fait entre Langlois et Borde, d'échange de copies, de prêts de copies, et les relations se détériorent entre les deux hommes pour différentes questions, souvent parce que les copies prêtées ne sont pas forcément rendues ou n'arrivent pas en temps et en heure, et Borde donc rompt avec Langlois d'une certaine façon, mais la rupture, elle ne tient pas véritablement à la fondation de la Cinémathèque de Toulouse en 64, elle tient plutôt à l'entrée de la Cinémathèque de Toulouse à l'intérieur de la FIAF, la Fédération Internationale des Archives du Film, en 1965. Faisant une sorte de concurrence à la Cinémathèque française à l'intérieur de cette grande Fédération Internationale des Archives du Film. Alors oui, sans doute, et de toute façon, la Cinémathèque française avait quitté la Fédération Internationale des Archives du Film, et Borde n'est pas entré seul à la FIAF, il est entré parrainé par plusieurs grandes archives de cinéma de l'époque, et notamment la Cinémathèque Royale de Belgique par Jacques Ledoux. Donc cette entrée, si vous voulez, dans l'arène internationale a fait de la Cinémathèque de Toulouse de fait, la seule archive française à ce moment-là de films à l'intérieur de cette grande association, puisque Langlois l'avait quittée et que les archives du CNC n'étaient pas encore fondées. Alors, on a beaucoup raconté la façon dont s'était créée la Cinémathèque française, le rôle central de Langlois dans cette création, les bobines de films dans des baignoires ou ailleurs qui ont été critiquées au moment de la crise de la Cinémathèque en 1968. Crise d'ailleurs à laquelle a participé d'une façon particulière Raymond Borde et la Cinémathèque de Toulouse. Mais comment, d'une certaine façon, un militant qu'était Raymond Borde a-t-il pu faire naître une cinémathèque comme celle de Toulouse? Et où est-il allé chercher ses copies, ses premiers films, dans les milieux associatifs, dans les milieux de l'éducation populaire? Comment quel a été le bassin de recrutement, pourrait-on dire, des films de Raymond Borde pour les premiers temps de la Cinémathèque de Toulouse? Alors, Natacha Laurent. Les origines des collections sont très variées et elles sont artisanales. Il faut bien aussi imaginer que on est aujourd'hui dans une phase où toute cette profession a inventer un métier. Quand Raymond Borde commence à rassembler ses films dans les années 50, le métier de cinémathécaire n'existe pas en tant que tel. On est en train d'inventer des pratiques. Donc les origines des films sont très variées. Bien évidemment, on va chez les forains, naturellement. On achète dans les puces, on achète au kilo des bobines. Et puis il y a bien sûr le réseau des ciné-clubs et le réseau de l'Office des cinémas éducateurs, hein, qui est extrêmement l'Office régional des cinémas éducateurs, qui est un réseau extrêmement important qui vise à utiliser le cinéma pour justement enseigner et pour, on va dire, diffuser l'histoire du cinéma. Donc ça a été, si vous voulez, et les offices du cinéma éducateur, c'est un réseau extrêmement important, national, sur tout le réseau national, et Borde a beaucoup travaillé avec ces réseaux locaux de circul, avec des copies qui sont des copies précisément qui ne sont pas des négatifs, avec des formats extrêmement différents, avec des qualités aussi de copies extrêmement différentes qui sont des copies de projection. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'origine. Et ensuite, au fur et à mesure que la collection s'est progressivement constituée, les origines se sont diversifiées, bien évidemment, avec les distributeurs, avec la Fédération internationale des archives du film. Parce qu'il faut rappeler que tous ces films, toutes ces copies, tous ces négatifs n'avaient pas, la plupart du temps, pour vocation à être conservés. Et qu'il a fallu la volonté, et vous le rappelez dans des articles, en particulier dans un article paru dans Le Monde en décembre dernier, Natacha Laurent, une tribune, vous rappelez qu'il y a eu donc une volonté de conserver de la part d'acteurs qui étaient donc associatifs, des cinémathèques naissantes ou qui n'étaient pas encore connus sous le nom de cinémathèque, tandis que les acteurs du marché avaient pour vocation généralement à faire disparaître la plupart de ces copies pour qu'il n'y ait pas de possibilité de piratage de ces images, par exemple. Alors, l'idée même, si vous voulez, de la nécessité de conserver les images animées est une idée ancienne, très ancienne. Elle date de la naissance du cinéma et le premier qui a véritablement appelé à la création, alors on ne parlait pas, il ne parlait pas en tous les cas de cinémathèque, mais de dépôt cinématographique. C'est un opérateur polonais qui s'appelle Bolesław Matuszewski et qui a, lui, dès 1898, dans donc un trois texte, ans après la naissance du cinéma. Trois ans après la naissance du cinéma, oui, qui a, dans un article, enfin, dans un texte visionnaire, appelé à la création, justement, d'un dépôt cinématographique, qu'il voyait comme étant, du ressort de la puissance publique, et il imaginait, des dépôts de cinématographiques en fonction du type, de film. Donc, des films d'enseignement, des films médicaux, des films scientifiques, et on ne parlait pas encore du cinéma en tant qu'art. Alors, ce texte, est considéré comme fondateur sur, en termes de théorie, si vous voulez, en termes de conception, mais ce texte n'a pas eu de suite dans la réalité. En revanche, on voit émerger auprès de différents acteurs, on voit émerger dans les années 10 et surtout au début des années 20, cette prise de conscience de la nécessité effectivement de conserver le film, puisque le film au départ est un objet marchand qui circule, qui est périssable et qui, au-delà d'une durée d'exploitation, n'a effectivement pas vocation à être conservé, parce que d'abord ça coûte cher, il faut stocker les films, ça prend de la place, c'est un matériel qui est capricieux, qui est fragile, et puis effectivement, comme vous venez de le dire, Emmanuel, ce qui a été aussi déterminant, c'est que, et Borde le rappelle très souvent dans son livre fondateur Les Cinémathèques qu'il a publié en 1983, c'est que l'industrie a régulièrement détruit des films. Besoin de purger d'une certaine façon. Oui, besoin de purger, besoin aussi de, par peur aussi du piratage, d'une exploitation illégale des supports, et à ces destructions, on va dire, systématiques et conscientes, bien évidemment, s'ajoutent les destructions involontaires qui sont liées à l'évolution du matériel, à l'usure du matériel, etc., etc. Et donc, c'est dans les années 20, au début des années 20, qu'on voit apparaître les toutes premières cinémathèques, et notamment la cinémathèque de la ville de Paris, qui est fondée en 1925, qui est la première occurrence, et c'est surtout dans les années 30, que l'on voit donc se constituer au niveau international ce qui va devenir les grandes cinémathèques, les grandes archives du film. Oui, et puis en 1924, vous rappelez dans un article commun que vous avez pu écrire avec Christophe Gauthier il y a déjà un certain temps, Natacha Laurent, que en 1924, au Vieux-Colombier à Paris, on va procéder à des projections de films de répertoire, parmi lesquels on trouve des films de Griffith, ou encore de Chaplin, ou encore La Marque de Zorro de Niblo, La Charrette Fantôme, donc disons des films qui sont déjà considérés, alors qu'ils viennent tout juste d'être tournés, filmés, comme des classiques du répertoire. C'est ce qu'on appelle justement le répertoire. C'est la constitution autour de Tedesco, effectivement, du répertoire cinématographique, avec là véritablement un geste qui est un geste patrimonial et qui tient véritablement à une légitimation culturelle du cinéma et qui passe par la constitution effectivement d'un répertoire, c'est-à-dire d'un ensemble de films qui sont considérés comme étant dignes d'être transmis et donc par voie de conséquence, pour être transmis, doivent être conservés. Donc là, vraiment, la question de la conservation du cinéma, c'est vraiment, elle est héritière totalement de la cinéphilie des années 20. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. C'est-à-dire on aime le cinéma, on veut en conserver les traces. Pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le voir et pour pouvoir le transmettre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est totalement lié à la cinéphilie. Alors, on a évoqué le rapport compliqué de Raymond Borde, fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, avec Henri Langlois. Un extrait d'une émission de l'ORTF de 1970, où Henri Langlois évoque justement, entre autres, Charlie Chaplin. J'avais une chose qui m'a toujours passionné, je crois au musée du cinéma. Vous comprenez, en 30, personne ne croyait au muet, par conséquent, c'était presque une espèce d'apostolat. Mais maintenant, vous avez des jeunes gens pour qui Griffith est aussi important que Picasso, par conséquent. C'est la fin, si vous voulez, du slogan qui voulait, comme on disait, le cinéma est un art passager, éphémère, au bout de quelques années, les films n'existeront plus, ne seront plus visibles. Maintenant, la preuve est faite, les grands chefs-d'œuvre restent des grands chefs-d'œuvre. C'est comme la peinture, comme les livres, on lira éternellement Chaplin, comme on lit éternellement Eschyle, vous comprenez. Et automatiquement, il y a revalorisation commerciale. Nous allons vers une ère nouvelle, c'est certain. Il y a une mutation incroyable du cinéma, mais qui est invisible encore à Paris. Il faut aller à New York pour s'en rendre compte. Elle est encore invisible à New York, mais on en voit les prémices. Donc, on peut deviner ce que ça va être. Mais il est certain que dans très peu de temps, avec les cassettes, eh bien, comme chacun a son Molière chez soi, chacun aura son Rapace chez soi, et où chacun aura son Chaplin chez soi, et puis ça sera fini. Mais ça, c'est une véritable révolution. Enfin, alors, sur le plan du commerce cinématographique, de la profession, il faudra quand même faire tout de même des films, par conséquent, c'est pas là le problème. Sur le plan des archives, ça va poser quelques problèmes pour mes collègues, et c'est pourquoi moi, depuis des années, ce que je veux, ce que j'ai considéré que la chose importante, c'était l'archive, ça permettait de sauver les films, mais une archive armoire, vous savez, en plus entre les mains de bureaucrates, de fonctionnaires qui n'y connaissent rien. Non, la grande chose, ça sera le musée du cinéma. C'est pourquoi je me suis battu des années pour avoir Chaillot, et j'espère... Je lis les journaux, vous les lisez aussi, vous avez vu qu'on a annoncé que quand même le musée du cinéma allait se faire. Et j'y tiens énormément, je crois moi, l'éducation par osmose. You darling. Donc Henri Langlois en 1970, évoquant la question d'un musée du cinéma. Et puis évidemment, on a reconnu Les Feux de la Rampe de Charlie Chaplin. Il évoque justement cette patrimonialisation dont on parle avec vous depuis le début de cette émission, en ouverture d'une série d'émissions consacrées au patrimoine dans la fabrique de l'histoire, avec vous, Natacha Laurent, aujourd'hui. Et on entend dans cette intervention, non seulement le souhait de créer un musée du cinéma, ce qui était l'obsession de Langlois, bien entendu, mais également ce terme de valorisation commerciale. J'étais surpris d'entendre dès 1970 dans la bouche de Langlois. C'est tout votre propos que de réfléchir à cette revalorisation commerciale, maintenant ça s'appelle plus comme ça, du patrimoine cinématographique, Natacha Laurent. Je trouve que le propos de Langlois dès 1970 est absolument visionnaire, parce que dès 1970, imaginer en ces termes-là, en tous les cas, l'avenir du patrimoine cinématographique, c'est effectivement assez remarquable. Je crois aussi que, avant de reparler de cette question de revalorisation commerciale, ce que dit aussi Langlois très bien dans cet extrait, ce qu'on comprend parfaitement, il décrit parfaitement le dispositif patrimonial du cinéma, qui est vraiment un dispositif qui est au cœur même de la conception même d'une cinémathèque, c'est-à-dire qu'il y a trois volets dans le dispositif patrimonial. Il y a le volet archivistique, c'est-à-dire la collection, les collections, conserver, constituer une collection, la conserver, l'inventorier, la traiter, la suivre, la restaurer éventuellement. Il y a le dispositif de programmation. Alors pour Langlois, c'était cette obsession du musée, mais pas que. La programmation, on sait à quel point pour Langlois elle était fondamentale, mais elle est au cœur même de la notion même de cinémathèque, c'est-à-dire programmer pour justement transmettre ces films à un public. Et le troisième volet, c'est le volet scientifique, historique, d'éducation, hein, qui va avec ce dispositif patrimonial. Et je trouve que ça, on l'entend très bien dans cet extrait de Langlois de 1970. Alors, ce qu'il dit par ailleurs, effectivement, ce qu'il prévoit, et ce en quoi il avait parfaitement raison, c'est effectivement cet avenir marchand, peut-être, hein, du patrimoine cinématographique. Et je crois que c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui à nous. Je pense qu'il suffit de regarder autour de nous, tout simplement, d'examiner l'offre patrimoniale, comme on dit désormais, l'offre patrimoniale qui sort tous les mercredis en salle, pour se rendre compte que le cinéma d'hier a rejoint le cinéma d'aujourd'hui dans les modalités, en tous les cas, dans les modalités de proposition au public. Il fut un temps, le temps des cinémathèques, où les films anciens étaient, on va dire, une chasse gardée d'une certaine façon, chasse gardée des cinémathèques, des archives du cinéma, de quelques ciné-clubs, et il fallait aller dans des lieux dits spécialisés pour découvrir ce que l'on n'appelle pas les vieux films, mais les films anciens, les films de répertoire, les films de patrimoine. Aujourd'hui, ces frontières n'existent plus et apparemment, le patrimoine cinématographique est incroyablement accessible. Il est partout, presque. Alors, on va développer avec vous, parce que c'est une des thématiques que vous aimez aborder, en l'occurrence, Natacha Laurent. Mais arrêtons-nous sur ce moment que vous avez décrit brièvement, où, effectivement, voir des films de patrimoine, c'était se rendre dans un lieu spécialisé qui avait une programmation et avec laquelle on pouvait être en accord ou en désaccord, et donc travailler sur la cinéphilie, travailler sa propre cinéphilie, la confronter à celle des autres, etc. Alors, il y avait bien sûr les cinémathèques, mais il y a aussi un lieu extrêmement important, ce sont les ciné-clubs. Et les deux sont liés, puisque cinémathèques et ciné-clubs, on le sait aujourd'hui à travers toutes sortes de travaux, notamment des travaux en cours, que les cinémathèques, la cinémathèque française est issue d'un ciné-club, la cinémathèque de Toulouse est aussi issue d'un ciné-club, et les liens ont toujours été très forts. Donc, effectivement, on allait dans des lieux spécialisés, dans des salles d'abord. C'était uniquement des salles physiques où on ne voyait le film que sur grand écran, et on le voyait dans un moment donné avec un groupe, avec en commun. Un présentateur, souvent. Un présentateur. C'est le thème de l'histoire à venir, voilà, le Festival d'Histoire. C'est pour ça que je rebondis sur ce thème-là, parce que pour le coup, le cinéma, c'est d'abord du commun à travers la salle. Et le cinéma de patrimoine s'est vu pendant de très longues années en commun dans des salles de cinéma, avec non seulement un présentateur, mais un débat à l'issue de la projection, selon la célèbre formule du ciné-club, présentation, projection, débat. Et effectivement, on allait dans des cinémathèques, on allait dans des ciné-clubs, on allait aussi dans ce qu'on appelle des salles de répertoire pour découvrir ces films anciens. Et puis, ces cinémathèques avaient une particularité, expliquez-vous dans vos travaux, et en particulier dans le livre à paraître aux éditions de l'École des Chartes à la fin de cette année, avec Marie Frappin, qui est auteur d'une thèse récente sur l'invention de la restauration des films, avec Christophe Gauthier, avec Ophir Lévy, qu'on a reçu ici même pour sa formidable thèse sur la permanence des images à propos de la Shoah, ou encore avec Dimitri Viroglou, qu'on a reçu également à propos de l'histoire du cinéma. Tous ces gens-là, vous avez participé à ce patrimoine et patrimonialisation du cinéma, et vous vous interrogez vous-même sur l'idée que ces cinémathèques étaient extérieures à la loi du marché. C'est-à-dire qu'elles avaient une autre logique que la question marchande. Elles ont fonctionné dans un système, effectivement, d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'elles étaient distinctes du marché. Je pense que c'est dû aussi à la façon dont elles se sont constituées. Elles se sont constituées, on parlait tout à l'heure de cette période héroïque des pionniers, de la constitution des collections. Elles ont ramassé des objets dont plus personne ne voulait. Oui, et puis vous dites dans des conditions qui ressemblaient soit du brigandage parfois, soit de la piraterie. On a fait toute une semaine sur la piraterie la semaine dernière. C'est-à-dire avec cette idée, effectivement, que puisque personne n'en voulait, on les récupérait. On allait bien voir s'il y avait des questions de noix. On verra ça plus tard, d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, Emmanuel, c'est très intéressant, parce que ça n'appartenait à personne, donc ça appartenait à tout le monde. Voilà, c'est cette idée de, puisque ça n'appartenait à personne, c'est du commun. Et dans cette idée aussi, mais effectivement, personne n'en voulait. C'était des objets qui étaient promis à la destruction, et quand j'étais à la direction de la Cinémathèque, on s'est retrouvé encore dans ce genre de situation, à ramasser encore en 2010 des films qui étaient promis à la destruction et à les rapatrier en se disant on verra après ce qu'on en fait. C'est aussi cette logique là de sauver, c'est ce que Borde dit au début de son livre sur les cinémathèques. Il dit les cinémathèques s'emploient à conserver ce que l'industrie du film s'emploie à détruire. C'est une phrase célèbre. Il continue, elles ne se bornent pas à gérer l'héritage paisible du passé, elles ont une activité militante et pathétique, elles interviennent dans la grande dérive de la pellicule en dressant le barrage de la dernière chance. Dans un style toujours très lyrique, qui est le style de Borde. Mais je veux dire, on comprend mieux justement cette idée, ce militantisme, et effectivement, on comprend mieux que ces collections se sont construites en dehors du marché, puisque le marché ne voulait plus de ces objets, qui étaient considérés comme des objets sans valeur. Ce sont les cinémathèques, d'une certaine façon, qui leur ont donné une valeur d'abord culturelle, Puis, cette valeur culturelle, comme dans beaucoup d'autres secteurs des activités humaines, cette valeur symbolique est devenue progressivement une valeur monétaire et une valeur marchande, parce qu'on s'est rendu compte que réintroduire cet objet sur le marché pouvait lui permettre de monétiser cet acte. Et vous rappelez effectivement que donc on a dans ces cinémathèques, avec toutes les bonnes volontés qui pouvaient y être adjointes, eh bien on a conservé, restaurer, retravailler ces objets qui étaient fragiles pour les remettre en condition de diffusion, et que cela, c'est un travail qui, d'une certaine façon, était fait sans valeur marchande, sans volonté de tirer de l'argent de cette organisation, mais néanmoins, c'était la volonté de produire, de laisser encore vivant un patrimoine cinématographique et de le montrer le plus souvent possible. Et j'irai plus loin, c'est-à-dire que toutes ces cinémathèques, je l'ai mentionné tout à l'heure, sont membres de la FIAF, la Fédération Internationale des Archives du Film, qui a été fondée en 1938 à Paris et qui rassemble aujourd'hui plus de 150 membres dans le monde entier, qui rassemble justement des archives du film, des cinémathèques, etc. Dans le code d'éthique de la FIAF, il n'est pas question de faire des bénéfices dans cette activité. Il ne s'agit que de soit d'associations, soit d'associations à but non lucratif essentiellement. Donc l'objectif n'a jamais été un objectif marchand. Ça a été toujours un objectif strictement culturel. Et j'insiste là-dessus, c'est parce que l'objectif des cinémathèques était strictement culturel que le patrimoine s'est constitué en tant que tel. Sinon, il n'y aurait pas de patrimoine cinématographique et le cinéma n'aurait pas d'histoire. Et à propos de ce patrimoine, eh bien, Alexandre Nevsky, la bande originale de Sergueï Prokofiev pour le film d'Eisenstein. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un extrait de la composition de Sergueï Prokofiev en 1938, l'Orchestre National de l'URSS dirigé par Evgeny Svetanov pour la bande originale de Alexandre Nevsky. Je rappelle que vous êtes spécialiste d'histoire du cinéma soviétique et en particulier de la censure dans le cinéma soviétique, Natacha Laurent, mais également, c'est votre deuxième casquette et ce pourquoi vous êtes invitée ici, chercheuse travaillant sur la patrimonialisation du cinéma après avoir été directrice de la Cinémathèque de Toulouse pendant une dizaine d'années, entre 2005 et 2015. Alors, est-ce que cette question que nous posons en France, parce que nous avons toujours tendance à considérer que nous sommes pionniers dans ces domaines de patrimonialisation culturelle, que nous posons à propos de Langlois, de Raymond Bord, de la Cinémathèque de Toulouse et de la Cinémathèque française, s'est posée de la même manière un peu partout dans le monde? Est-ce que dans l'ex-URSS, ces questions de conservation des films s'est posée différemment? Est-ce que dans tous les pays du monde, on en est arrivé à réfléchir à conserver d'un côté et de l'autre côté diffuser, et pourquoi pas par des voies commerciales comme c'est le cas aujourd'hui dans le marché? Alors la question de l'association entre conservation et diffusion était une question qui est partagée au niveau international. Après, chaque pays a trouvé des moyens, on va dire, spécifique en fonction de sa culture, en fonction de son projet politique, d'incarner ce projet à la fois culturel et politique de la conservation des films. La situation russo-soviétique est particulière, mais on trouve dans tous les pays des établissements qui conservent les films. Alors certains sont des associations privées, d'autres sont des établissements publics. Il faut poser aussi la question du dépôt légal, puisque c'est quelque chose aussi de très important, le dépôt légal. Il existe en France depuis 1977 grâce au CNC, qui est évidemment Centre National du Cinéma, qui est une spécificité pour le coup française et qui est une spécificité extraordinairement heureuse de la France. Pour ce qui est de l'évolution, on va dire, du patrimoine cinématographique, toutes les archives de cinéma aujourd'hui sont confrontées à cette question de l'irruption d'un nouvel acteur qui est le marché. Irruption qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est évidemment une évolution qu'on observe depuis une cinquantaine d'années, qui s'est accélérée au cours, on va dire, des 20 dernières années avec le numérique, évidemment. Les chaînes du câble, un premier temps, qui ont eu besoin, justement, pour se spécialiser, Ted Turner et les autres, d'avoir des chaînes spécialisées sur le cinéma classique, et donc à partir de ce moment-là, de restaurer ces films, de les récupérer là où ils se trouvaient pour pouvoir les diffuser sur des chaînes spécialisées. Bien sûr, les chaînes, l'édition vidéo, au départ les VHS et puis le DVD, et on peut considérer que c'est une chance extraordinaire pour le patrimoine cinématographique d'avoir pu ainsi élargir son public. Ça, c'est quand même la première constatation à faire, c'est que en sortant de ces lieux spécialisés, le patrimoine cinématographique a rencontré et rencontre un public beaucoup plus large, un public beaucoup plus divers. Et ça, c'est quand même, on peut dire d'une certaine façon, une victoire aussi des cinémathèques. Alors peut-être une victoire un peu dangereuse, mais une victoire quand même. Alors, arrêtons-nous par exemple sur la programmation de ce qu'on appelle Cannes Classique, qui est très connu de tous les amateurs de cinéma qui se rendent à Cannes, ce qui n'est pas mon cas. En l'occurrence, on voit qu'à Cannes Classique, il y a des moments où on met en avant certains films. La semaine dernière, c'était les 25 ans de la Cité de la Peur. J'ai d'ailleurs appris en vous lisant que pour le CNC, le Centre National du Cinéma, on patrimonialise à partir de 10 ans. C'est ça. Un film qui a plus de 10 ans, c'est un film patrimonial, en l'occurrence. Là, dans les manifestations à Cannes autour de Cannes Classique, on trouve les 50 ans d'Easy Rider, qui est à la fois présenté par Sony Pictures, une firme cinématographique, et la Cinéthèque de Bologne, par exemple, mais on trouve aussi Shining en présentation spéciale restaurée par Warner Bros. Donc là, en l'occurrence, la société qui en est propriétaire. On trouve la Cité de la Peur présentée par Studio Canal, là aussi. Et beaucoup de mélanges, pourrait-on dire, entre des films qui sont présentés par des cinémathèques spécialisées, le Centro Sperimentale di Cinematografia italien, par exemple, pour Lina Wertmüller ou d'autres, et puis d'autres qui sont présentés par des sociétés de production ou de diffusion qui restaurent les films en 4K, comme on dit, en 4000, pour pouvoir les mettre en numérique. Et on voit bien qu'il y a donc deux façons de faire, pourrait-on dire, Natacha Laurent. Alors, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que il y a de fait une association, une collaboration, elle est obligatoire entre les cinémathèques et les opérateurs de restauration, pour une raison assez simple, c'est que jusqu'à preuve du contraire, l'essentiel des matériaux dont on a besoin pour les restaurations sont dans les cinémathèques et les archives. D'accord. Donc, il y a association. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment cette association fonctionne, qui est à l'initiative des restaurations, qui les conduit, qui les signe, comment elles se font. Mais il y a, de fait, une association entre, en tous les cas, certaines cinémathèques et des acteurs du marché, que ce soit les ayants droit, que ce soit les industries techniques. Ça, je pense que c'est une évidence. Alors après, comme toujours, et Marie Frappa le rappelle formidablement bien dans sa thèse, chaque restauration... L'invention de la restauration des films. Ouais, chaque restauration est une histoire particulière, donc c'est très difficile aussi de généraliser. Alors vous avez dit un nom qu'on n'a pas encore abordé, les ayants droit qui visiblement, dans votre travail qui s'intitule « Le patrimoine cinématographique est-il soluble dans le marché ?» Boucher, Natacha Laurent, prennent une part de plus en plus grande dans la discussion avec les cinémathèques et parfois freinent, empêchent les cinémathèques de programmer, y compris dans leurs propres murs, certaines diffusions de films. Vous nous expliquez, par exemple, dans cet article, combien, si des ayants droit, une société de production et de restauration veut mettre sur le marché, mettons 3 ou 4 films d'un même réalisateur ou d'un même groupe de réalisateurs, elles demanderont, ces ayants droit demanderont à la Cinémathèque de ne pas diffuser dans sa salle, alors qu'elle a prévu, pour d'autres raisons, une programmation, de ne pas diffuser avant la restauration, avant la sortie commerciale, pourrait-on dire, la ressortie commerciale, de ne pas diffuser ces 10 films dans sa propre salle. Donc il y a un conflit là que vous pointez du doigt. Alors là aussi c'est une question complexe et passionnante, la question des ayants droit, et d'abord rappeler que là aussi dans le code d'éthique de la FIAF, le respect des ayants droit est une loi absolument cardinale. Donc on ne fait rien dans les cinémathèques sans l'accord des ayants droit et on veille toujours à avoir des relations, on va dire, suivies de collaboration avec les ayants droit. Et c'est pareil, les ayants droit, il y a toutes sortes d'attitudes et toutes sortes de, rapports entre ayants droit et archives. L'exemple que vous preniez à l'instant, Emmanuel, c'est, alors je pense qu'il faut le rapporter au fonctionnement de l'industrie cinématographique pour comprendre exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que désormais, les restaurations ont pris une telle place dans la promotion du patrimoine cinématographique. Ces restaurations qui sont, la face la plus souvent mise en lumière de l'activité patrimoniale, ces restaurations font l'objet effectivement de sorties sur les écrans, de sorties sur les DVD. D'événementialisation et de marchandisation, très clairement. Et on utilise, pour la sortie de ces films restaurés, des outils marketing qui sont appliqués au cinéma contemporain. Et c'est là, à mon avis, c'est là qu'il faut s'arrêter une seconde et qu'il faut justement réfléchir à ce que ça signifie pour le patrimoine cinématographique. Parce que, et là, on entre dans une logique qui est effectivement la logique de l'industrie cinématographique qui se comprend parfaitement, qui se défend parfaitement, mais qui est appliqué, on va dire, unilatéralement au patrimoine cinématographique, et c'est là que les choses peuvent effectivement se troubler. C'est-à-dire que quand vous sortez un film sur le marché le mercredi, quand c'est un film inédit, pas de problème, on travaille justement sur le caractère inédit du film et on travaille le désir du public pour que effectivement le public souhaite aller voir ce film. Quand on est dans le cas d'une restauration, vous pouvez être une cinémathèque et vous avez dans vos collections un film que vous souhaitez intégrer dans une programmation thématique. Il se trouve que ce film est en cours de restauration et que du coup, l'ayant droit pour préparer le désir du public va interdire la projection sur d'autres supports, sur des supports non restaurés du film. Donc une cinémathèque peut avoir dans ses collections un film qu'elle ne pourra pas diffuser dans ce cas de figure-là. Alors, bien sûr, après, il y a des arrangements possibles. Il y a toujours des arrangements possibles en collaboration et en discussion avec l'ayant droit. Et vous expliquez tout de même que tout ça rentre, et c'est en cela que ça nous intéresse pour une série consacrée au patrimoine, dans ce qu'on pourrait appeler le marché du patrimoine, cette généralisation de cette expression. Vous repartez d'un texte d'Alexander Horvath, donc de la revue de... dans la revue de la Fédération internationale des archives du film, la FIAF, justement. Il était alors directeur du Film Museum autrichien, qui en 2005, l'article s'appelait The Market versus the Museum, expliquait qu'il y avait d'un côté, et c'est comme ça que le marché le voyait, le content, donc le contenu, l'accès, et user, l'utilisateur. On est assez loin de la cinéphilie dont vous nous parliez au tout début, Natacha Laurent. Ça, c'est un article effectivement extrêmement important d'Alexander Horvath, parce que justement il faisait une analyse finalement sémiologique des termes qui étaient entrés dans les cinémathèques pour montrer comment les cinémathèques étaient en train de s'approprier un langage qui venait d'ailleurs. Un langage qui venait effectivement du marché. Et il montrait qu'effectivement content, contenu, était en train de prendre la place de collection, et on reviendra là-dessus, parce que le cœur, évidemment, de toute cette réflexion, c'est de travailler sur la notion de collection, que le terme de accès transformait finalement les cinémathèques et les archives en banques d'images, dans lesquelles on vient piocher comme si, justement, les objets qui s'y trouvaient devaient s'y trouver et étaient, on va dire, constitués en tant que tels. Et puis le terme, effectivement, utilisateur, qui désignait non plus le spectateur, mais qui désignait soit le fournisseur d'images, soit le consommateur. Donc, et c'est intéressant de voir que justement cette dérive finalement est entrée dans le langage des cinémathèques. Alors pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine façon. Oui, parce qu'on peut dire tout compte fait, ça permet aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir une diffusion plus large, de trouver un nouveau public. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que ça a aussi contraint les cinémathèques, et moi ça je peux en témoigner dans ma pratique, ça les a contraintes aussi à s'adresser à un nouveau public et à sortir de cette extraterritorialité assez confortable finalement, et de laquelle il a fallu sortir pour renouveler des approches et surtout renouveler un public. C'est ça qui est très important. Et puis, à ce, entre guillemets, vous avez sursauté, se dépoussiérer, parce que c'est aussi ce que disent les acteurs du marché. Ils disent, tout compte fait, on va dépoussiérer ces archives qui sont conservées, certes bien conservées, dans des institutions patrimoniales, mais on va tenter de les rendre à la vie. Oui, alors ça c'est un discours qui est passionnant à décrypter et à observer, c'est-à-dire que effectivement, on voit très souvent ça, on voit ce discours qui est repris à l'envi par certains professionnels et par la presse, qui est de dire que ce marché du patrimoine qui a émergé est une façon effectivement de moderniser les films, de les rendre plus actuels. Le numérique joue un rôle fondamental parce que il va restaurer, entre guillemets, il va lisser ces films, il va leur redonner vie, comme si finalement le principal défaut de ces films anciens était précisément d'appartenir au passé. Et c'est ce discours-là qu'il faut évidemment observer et déconstruire et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce discours-là. Parce qu'à partir du moment où votre objectif, c'est de promouvoir des films du passé en leur donnant l'allure d'un film du présent, je pense que ça interroge les historiens. C'est-à-dire de gommer la marque du temps. Gommer la marque du temps. On enlève les rides. On enlève les rides et on le promeut exactement comme un objet du présent. Donc, on remet en cause ce qui, à mon sens, définit le patrimoine en lui-même, c'est-à-dire ce lieu où se rencontrent passé, présent et futur. On place, si vous voulez, le film dans une logique qui est exclusivement présentiste. Donc là, on est très proche de ce que dit François Hartog sur le présentisme. Absolument, pour moi, complètement. Ça s'applique complètement. Pour moi, c'est une clé de lecture pertinente. C'est-à-dire que le passé ne prépare pas un avenir, en l'occurrence, mais c'est une utilisation permanente du présent qui se répète. Qui se répète, et en même temps, si vous voulez, je trouve que pour le cinéma de patrimoine, c'est absolument emblématique, parce que tout est cohérent, parce que justement ce discours-là repose aussi sur un outil qui est absolument central, qui est le numérique. Et en accréditant l'idée que, en restaurant et plus exactement en numérisant un film et en le dépoussiérant de toutes ces petites scories du passé, on l'installe dans un régime du présent, mais on l'installe, il faut rappeler quand même qu'on l'installe sur un support, le numérique, qui est un support qui n'est pas pérenne, qui est un support dont la conservation pose énormément de problèmes, et c'est une question dont on parle très peu, justement. Et puis, il y a aussi des cas où certains films que l'on aimerait voir sont tellement appropriés par des sociétés qu'au bout du compte, on ne peut plus les voir ailleurs que dans cette société. C'est par exemple le cas de Netflix qui a restauré et numérisé The Other Side of the Wind de Orson Welles, et on ne peut désormais voir ce film que sur Netflix, donc que sur Internet. Alors là, je pense qu'on est dans un cas extrême, hein, parce que toute l'industrie du cinéma est effectivement très très attentive à l'évolution de Netflix. Je ne vais pas revenir sur ces questions qui dépassent très largement. Qui se tiennent à Cannes ces temps-ci. Voilà, exactement. Mais il se trouve que Netflix est entré aussi sur le terrain du patrimoine. Alors, on va dire par la petite porte ou par la grande porte, j'en sais rien, parce que restaurer le film inachevé mythique de Welles, On the Other Side of the Wind, c'est effectivement un événement. C'est un film qui avait été entrepris par Orson Welles entre 1970 et 1974, qui était un film inachevé, qui a été pris dans une nasse juridique absolument insensée entre les différents producteurs, entre aussi Oja Kodar, qui était la dernière compagne de Welles, et puis Béatrice Welles, sa fille. Et effectivement, ce projet a connu récemment une restauration, en tous les cas c'est ainsi que Netflix le présente, suivi par Peter Bogdanovich, qui tient d'ailleurs un rôle important dans le film, et grâce, nous clame Netflix, grâce aux 5 millions d'euros qui ont été versés pour justement restaurer ce film. Et effectivement, ce film, alors, certains historiens du cinéma, il y a de grands débats en ce moment dans plusieurs revues de cinéma, pour nous dire que finalement, ça ne peut pas être une restauration, puisque le film n'a jamais existé en tant que tel, c'est une invention, c'est même pas une reconstitution. Mm-hmm. Toujours est-il que ce film, restauré par Netflix, n'est visible que sur la plateforme Netflix. Donc, c'est une forme, si vous voulez... D'appropriation. J'allais dire le terme. En tous les cas, de déport, de transfert, de déplacement de l'objet patrimonial, d'institutions qui avaient un objectif culturel à des acteurs qui n'ont pas un objectif culturel, mais un objectif commercial. Alors, tout de même, il faut se dire que ça n'est pas si important que cela, ce milieu le succès de ces films restaurés, puisque sur les 200 millions d'entrées en 2015, des films qui sortent en salle et qui sont donc du patrimoine cinématographique, il y en a 3,5 millions d'entrées qui viennent de ce patrimoine même, par rapport à tout le reste, qui vient évidemment du cinéma tout récent qui vient de sortir. Donc ça n'est pas si important que cela, mais c'est déjà un marché suffisant, selon vous, Natacha Laurent, pour que ça intéresse des producteurs, que ça intéresse des restaurateurs, que ça intéresse des diffuseurs. Mais je crois que le marché du patrimoine existe. Je pense que c'est une réalité. L'expression, il y a 50 ans, aurait été considéré par beaucoup comme un oxymore, mais aujourd'hui c'est une réalité. Et les chiffres que vous citez viennent d'une étude passionnante qui avait été conduite par le CNC en 2017 et qui montrait justement, chiffres à l'appui, que cette niche existait. Effectivement, elle est limitée, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qu'elle signifie, ce que l'émergence de cette niche signifie de notre conception actuelle du patrimoine cinématographique, de ce que nous ne disons pas, puisque ce que nous disons, c'est que ce que le discours ambiant tend à accréditer, c'est que en dehors de la restauration, en dehors de ces actes de restauration qui sont marketés, qui sont accompagnés en termes de communication de façon extrêmement brillante, en dehors de la restauration, il n'y a pas de patrimoine. C'est cette idée-là qu'il faut combattre. Et il faut dire que la restauration est un des actes du patrimoine, mais ça n'est pas le seul, et que le patrimoine, pour exister, a besoin d'enrichissement, il a besoin de traitement, il a besoin d'inventaire. Il a besoin parfois de restauration, mais pas toujours. On n'est pas obligé tout le temps de restaurer. Oui, et puis au risque aussi, effectivement, que puisque le marché prend une part croissante dans ces restaurations, cette patrimonialisation, eh bien, on dise aux institutions publiques, vous avez peut-être moins d'importance et donc moins de budget, moins de possibilités d'avancer. Oui, alors ça c'est aussi c'est ce qui se passe dans le patrimoine cinématographique est aussi ne se déroule pas en dehors de la société dans laquelle nous vivons. Quand on est historien, on sait à quel point le contexte est important, et il est évident que le recul du public, le recul de la puissance publique dans l'ensemble des secteurs de l'activité humaine se retrouve aussi sur ce terrain-là, même si en France on est dans une situation tout à fait particulière et tout à fait heureuse avec la présence du CNC qui a une politique du cinéma extrêmement active, et on sait à quel point la politique du CNC est décisive, y compris dans le secteur patrimonial. Mais il n'empêche que ce qu'il faut souligner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette affrontement entre deux logiques différentes, la logique du marché et la logique commerciale et la logique culturelle. Même si on arrive, dans un certain nombre de cas, et assez souvent, à faire coexister quand même ces deux logiques. Je peux donner l'exemple d'une restauration formidable, d'une magnifique restauration qui avait été conduite il y a quelques années par le CNC, d'un très grand film de l'histoire du patrimoine cinématographique, d'un film muet, c'est Les Misérables d'Henri Fescourt, film tourné en 1925, qui est un film monumental, s'appelle 6 heures avec de très grands acteurs. C'est une des plus belles versions, enfin, c'est une des plus belles adaptations du roman d'Hugo. Un film de 6 heures avec Gabriel Gabriel qui est époustouflant en Jean Valjean, Sandra Milovanov qui interprète Cosette et Fantine. Alors, c'est une restauration très complexe sur le plan technique et historique qui avait été conduite par le CNC avec la Cinémathèque française, avec la Cinémathèque de Toulouse et en association étroite avec l'ayant droit qui était Pathé. Et on peut donner des exemples justement de collaboration réussie. Alors une très très grande restauration, la restauration a duré 9 mois, elle a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, et là le film a été montré une dizaine de fois en salle, et on attend maintenant un DVD avec impatience, parce que ça serait formidable que ce film puisse être vu en DVD aussi. Alors, ce qu'on pourra voir à la Cinémathèque de Toulouse, que vous avez longtemps dirigé à l'occasion de l'Histoire à venir, donc en fin de semaine, c'est en particulier les Fioretti de François d'Assise, de Rossellini, qui vont être commentés. Alors ça, franchement, pour tous ceux qui peuvent se rendre à Toulouse ce week-end, ça sera vendredi prochain, donc ils vont être commentés, et c'est une grande chance par le très grand historien Giacomo Todeschini, donc celui qui a réfléchi depuis longtemps justement sur la pauvreté au Moyen-Âge, Léon Fioretti de François d'Assise. C'est donc à la Cinémathèque de Toulouse vendredi de 19h à 20h30, et pour votre part, bien, vous interviendrez dans cette histoire à venir que vous avez participé à programmer, en l'occurrence Natacha Laurent, trois fois scénariste, réalisateur, conseiller. Quelle place pour les historiens dans l'écriture d'un film, une question qu'on se pose régulièrement. Le cimetière de l'espérance, et c'est sur l'histoire de l'Union soviétique avec Nicolas Werth. Et puis également, une très bonne question, puisque le thème de ce festival, l'histoire à venir, c'est en commun. Le cinéma peut-il produire du commun? Il peut produire du commun? Ah, je crois qu'il en produit beaucoup du commun. Je pense que c'est une des spécificités du cinéma, mais il faut faire en sorte qu'il puisse en produire aussi demain, et qu'il puisse demain conserver la trace du commun qu'il a produit aujourd'hui. Et donc, c'est aussi l'avenir du patrimoine cinématographique. C'est aussi ça qui se lie, on va dire, dans tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que parler, voir à quel point le patrimoine cinématographique est aujourd'hui présent sous des formes absolument inédites, il faut aussi se demander comment on conserve le cinéma d'aujourd'hui qui sera le patrimoine de demain. Et on sait à quel point conserver aujourd'hui le cinéma qui se fait en numérique est un défi pour lequel nous n'avons pas les réponses. Voilà. Et puis on attendra évidemment avec impatience la sortie de ce livre en commun, en l'occurrence avec Marie Frappa, Christophe Gauthier, Natacha Laurent, Ophir Lévy, Dimitri Viziroglou et d'autres, donc qui paraîtra à la fin de cette année aux éditions de l'École des Chartes, Patrimoine et patrimonialisation du cinéma, auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Puis on pourra toujours s'intéresser, puisque vous évoquiez tout à l'heure la question éducative, à l'avenir de ceux et celles qui promeuvent le cinéma dans les écoles, et en particulier les enfants de cinéma, cette association qui a porté pendant longtemps justement la question du cinéma dans les écoles, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va advenir. Merci à vous, Natacha Laurent. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Jordan Fuentes était à la technique aujourd'hui avec nous, et Anne Fleury à la réalisation. Demain, curieusement, nous vous parlerons du Japon, mais du Japon dans la relation qu'a pu entretenir ce pays avec la Grèce antique. Nous en discuterons entre autres avec Michael Luquen.